blockbuster. Comment avez-vous pu parler de Dark Souls? Ce putain de jeu, j'ai failli péter ma PS3. Je pensais l'avoir enterré entre un lapin et un hamster au fond de mon jardin. Je te jure, j'ai failli péter ma manette. Moi, bon, je vous aime, salut. Oui, je voudrais savoir comment on fait pour avoir la nationalité blockbuster. Parce que s'il faut connaître tout de ce pays, je pense que je peux le faire. Je peux le faire. Voilà, je veux bien passer les tests. Je veux en faire partie. Je veux y vivre nuit et jour et pas que l'été. Allô, salut Frédéric. Bon, je voulais te dire que pour une fois aujourd'hui, j'ai apprécié ton émission. Mais d'habitude, tes émissions, non, j'accroche pas trop, hein. Tout le machin de science-fiction, tout ça, les BD fiction, les séries fiction. Non, ça m'accroche pas du tout. Voilà. Allez, c'était Pat qui a tête de grenade. Salut. To be or not to be, not to be. J'ignore si ça vous fait ça, mais la pandémie m'a changé en tant que spectateur. Par exemple, je supporte plus les films où les acteurs se parlent de trop près. Avant, ça m'évoquait une histoire d'amour naissante. Maintenant, ça m'évoque une quarantaine, des cas contacts à prévenir et du télétravail sur Zoom. Le porno, je vous en parle même pas. Désormais, la seule chose que je veux voir s'introduire dans un trou, c'est un test PCR dans une narine. Pareil, j'en peux plus des dystopies. J'en peux plus de voir des survivants marcher avec des barbes de hipster, avec un vieux matériel de camping Emmaüs sur le dos, dans des villes ravagées par je ne sais quel cataclysme que l'avidité humaine aura provoqué. Oh, là là, quel ennui! Autant il y a quelques années, ça me transportait, j'étais à fond dedans. Autant aujourd'hui, je regarde ça avec une incrédulité, on dirait un athée devant les 10 commandements. La route ou Walking Dead, je n'y crois plus une seule seconde. Non, non, les survivants ne vont pas marcher en groupe dans le même sens. Il y aura, je sais désormais qu'il y aura un groupe qui va partir faire de la randonnée, un autre qui va vouloir expliquer que l'invasion de zombies est un complot judéo-maçonnique, un autre qui va expliquer que les zombies ne veulent manger que des humains halal, et un gouvernement qui va chercher à nous faire rembourser les dégâts causés par les zombies. Bref, j'en peux plus. Non, moi aujourd'hui, j'ai besoin de joie, de bonne humeur. J'ai envie de vivre dans le village des petits poneys, avec Twilight, Sparkle, Applejack et les autres. Je veux nager dans une piscine de Haribo. Et il y a un genre musical qui résiste à l'état du monde en ce moment. Un genre qui te fout la patate même quand t'es déjà en pyjama à 18h30 un lundi devant une allocution de Jean Castex. Ce genre, c'est la K-pop. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. K-pop. K-pop is taking the US by storm. K-pop has become a worldwide cultural phenomenon. The genre has been around for at least 2 decades. 이 서태지와 아이들이라는 그 트리오인데요. 박수로 청해 듣겠습니다. 알아요 입안에 흐르고 흐르면 누군가가 나를 떠나버려야 Blackpink in your area. Ain't a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Une musique entraînante qui vous fait battre la mesure, des chorégraphies millimétrées que je vous déconseille fortement de faire sans échauffement, et un entraînement rigoureux, un univers coloré et un sens du stylisme qui font des chanteurs et chanteuses le chaînon manquant entre l'être humain et le personnage de manga. La K-pop, la pop coréenne, c'est tout ça et tellement plus. Bien plus qu'une mode passagère, la K-pop déferle sur le monde depuis une décennie, et même une terre confinée n'a pas pu démentir le succès que certains de ces groupes ont désormais sur le globe. Pour parler d'un secteur de la musique qui pèse désormais plus de 5 milliards de dollars, j'ai à mes côtés Mathieu Pinon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé en pop culture et votre ouvrage Histoire du manga moderne, paru chez Inis Éditions, a été réimprimé. Eh oui, parce que tout est parti à Noël, donc c'était la fête. Merci beaucoup. Félicitations. Avec nous également Christelle Pécou, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice et dessinatrice de bandes dessinées. On vous doit notamment le roman graphique K-Shop, qui explore les dessous de la K-pop, paru chez Glénat. C'est ça. Avec nous également Pascal Lafine, bonjour. Annyeonghaseyo. Vous êtes directeur de collection aux éditions Delcourt, où vous vous occupez de la plateforme de webtoon Corée Verytoon et de son pendant papier la collection K-Books. En parallèle, vous êtes rédacteur en chef du magazine K-World, consacré à la K-pop et à la K-culture, ce qui est beaucoup de cas quand même. Hein. Il est vendu en kiosque et compte 20 numéros et a une petite sœur qui vient de démarrer qui s'appelle K-Girls, consacrée à la K-pop féminine. Exactement. Et enfin avec nous, Marie Fallot, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice de télévision française, née en Corée du Sud. Vous présentez actuellement Zinzin, un magazine jeunesse pop culture sur France 4, et vous êtes une figure récurrente de talk show sur Twitch comme Popcorn ou le récap chez le Stream. Vous présentez aussi un magazine automobile sur RMC Découverte. C'est vrai, je fais un peu de tout, mais aujourd'hui c'est surtout la Corée qui est mise en avant et c'est ce que je mets en avant aussi sur les réseaux sociaux. Eh bien parfait. Ensemble, on va tout d'abord préciser ce qu'est la K-pop, hein, son style, ses codes, ses plus grands groupes. On va essayer de comprendre comment cette musique a conquis le monde sans pour autant passer à la radio ou à la télé. On parlera des fans de K-pop, une communauté hyper active capable de se mobiliser avec une réactivité qui force le respect. On parlera bien évidemment de l'envers du décor de cette industrie qui est souvent sans pitié avec les chanteurs et les chanteuses qui tentent d'y faire carrière. Et enfin, on évoquera l'incroyable diffusion de la culture coréenne sur la planète entière. Blockbuster spécial K-pop, c'est parti! Écoutez BTS avec Boy With Love, un extrait de l'album Map of Soul, voilà, sorti en 2019. Alors, première question que j'ai envie de vous poser à vous tous et toutes autour de la table, quelle est la véritable définition de la K-pop ? Christelle Pécou ? Korean pop, tout simplement. Voilà. Merci. Mais qu'est-ce que ça englobe de... Parce que je sais qu'il y a, beaucoup de musiciens de K-pop qui disent oui, c'est un label que l'étranger a collé sur la musique coréenne, mais en fait nous on est juste des musiciens qui faisons de la musique. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que ça regroupe tout un univers et ça regroupe aussi plein de genres musicaux différents, même si effectivement on connaît surtout un genre très pop, très coloré, très rythmé, mais c'est vrai que derrière il y a beaucoup aussi de musique un peu plus indépendante et... Et un oui, peu il y a notamment aussi, Dragon ouais. Tiger que j'ai découvert, qui est un des pionniers du K-pop aussi, du hip-hop coréen, qui pourtant rentre aussi dans l'appellation K-pop. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, à partir de quand ça a débuté ? À quel moment on a pu se dire, tiens, là, il y a un véritable phénomène émergent en Corée ? Ça date de quand, la K-pop ? Pascal ? Alors, la musique coréenne, il y en a toujours eu, forcément. Pour moi, je mets ça en deux générations. La génération 2000 à 2010, avec des groupes comme Super Junior, Girl Generation, etc. Et ensuite, l'après 2010, 2011, où là, on a la génération qu'on a aujourd'hui qui évolue petit à petit. Et puis, il y avait avant 2000 aussi. Ouais. Marie Palot. On avait des H.O.T., des SES, exactement. Ouais, c'était des groupes qu'on avait un peu à la manière des artistes japonais. On les avait en import. C'était vraiment hyper anecdotique de connaître ça. Et c'est vraiment, moi, je pense qu'il y a eu un après Psy qui a littéralement ouvert la voie, une voie royale au groupe coréen. Quoi. Avec le Gangnam Style. Exactement. Oui, d'ailleurs, est-ce que le Gangnam Style fait partie de la K-pop ? Totalement. D'ailleurs, les producteurs sont les mêmes que pour Blackpink. Bien sûr. Et puis Psy, c'est une figure extrêmement respectée. Là où on pensait que c'était plus une parodie de musique, c'était quelque chose d'un peu what the fuck. Et c'est ça qui avait terriblement plu à l'époque. Il est extrêmement respecté là-bas d'un point de vue producteur et artiste. Donc c'est quelqu'un qui était déjà dans le panorama musical coréen. Et juste, il a sorti un titre qui sortait totalement des clous. Qui pendant très longtemps a été la vidéo YouTube la plus vue au monde. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a eu une forme de copie de ce genre musical qui était la J-pop initiale, importée en Corée, ou est-ce que ça s'est fait presque de manière parallèle et similaire ? Ah, je pense que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Bah, par rapport à votre question fermée, je répondrai non et non. Au sens où ce qui est déjà très très marquant dans la J-pop, plus que la K-pop selon moi, il y a vraiment une diversité, le spectre est encore plus large au Japon, et quand la fameuse J-pop est arrivée en France, c'était très difficile, en Occident, c'était très difficile à l'identifier parce qu'on avait d'un côté des petits groupes d'idols toutes mignonnes qui tournicotent en petites jupes en chantant des chansons nièvres et sirupeuses, et de l'autre côté on avait les groupes de visual kei qui venaient avec tout leur désespoir extrêmement sombre. Donc vraiment, rien qu'entre ces deux extrêmes, il y avait toute une gamme. Sur ce qui est de la K-pop, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus homogène au niveau du... On est très très proche du hip-hop américain, vraiment, on va puiser les sources pour c'est vraiment l'inspiration majoritaire au niveau de la production, ne serait-ce qu'au niveau des boum boum boum, les basses qui sont toujours omniprésentes. Donc la K-pop ne s'est pas du tout inspirée de la pop japonaise, elle s'est créée elle-même, mais on va dire qu'elle est plus allée chercher du côté, je pense même de la West Coast au niveau de la musique, sans pour autant chercher à copier. Voilà, l'inspiration est là, mais ils en ont fait quelque chose qui est typiquement coréen, et c'est ça qui justement marque l'Occident, c'est qu'on peut retrouver vraiment un noyau dur qu'on connaît, mais tout l'enrobage, alors l'enrobage c'est aussi bien la musique, le chant, la chorégraphie, la mode, les clips, leur direction artistique, tout ça ne peut provenir que de la Corée. Pardon, excuse-moi. Il y a une vérité aussi qu'il faut garder en tête, c'est que d'un côté on a un pays comme le Japon qui a été pendant longtemps sous plusieurs airs fermé au reste du monde, et d'un autre côté un pays qui accueille une base militaire avec des Américains dedans et une diaspora coréenne étalée dans les États-Unis, qui font que il y a une espèce de il y a un pont qui s'est fait Volontairement ou pas, mais en tout cas il y a des inspirations qui prennent racine directement dans leur propre pays, donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et puis je finirai en disant qu'il y a une chose qui a joué aussi contre la K-pop, c'est que beaucoup de clips ne pouvaient pas passer sur internet par exemple à cause de Papi Johnny qui lui bloquait tout, les artistes on pouvait pas les voir dans les magazines, donc ils ne s'exportaient pas du tout. Et même des groupes qui étaient de J-pop qui étaient hyper connus restaient confidentiels en dehors du... Bon, venait à un concert en France, mais restaient, ne pouvaient pas s'étendre parce que l'utilisation des images c'était hyper chiant, etc. Il y avait des habitués de la boutique Tonkam qui connaissaient, mais pas beaucoup plus loin. Exactement. Et maintenant que Papi Johnny il est mort, ça va tout changer, peut-être. Mais ils auront du mal à rattraper la Corée maintenant. Je me permets juste, Papi Johnny, c'est Johnny Kitagawa qui est le patron de l'écurie Johnny's au Japon, qui est la plus grosse écurie de boys band du Japon, et même malgré l'émergence de la K-pop, encore du monde à l'heure actuelle, puisque c'est eux qui ont notamment Arashi, c'est le groupe qui a vendu le plus d'albums en Asie de toute l'histoire des boys band. Merci de cette précision. Je vous monsieur, en prie. Monsieur Pinon. Je suis là pour ça, quelque part. Christelle Pécou, quelles sont les caractéristiques ou les stigmates de la K-pop les plus reconnaissables? Au niveau du son, plutôt. Oui, au niveau du son, et même aussi en termes de style vestimentaire. On est vraiment sur un univers qui est très, effectivement, très coloré. Tout à l'heure, Mathieu parlait de basse. Effectivement, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver. Il y a aussi des éléments vraiment de hip-hop. Et on va aussi beaucoup retrouver l'anglais, en fait. Très simplement, c'est vraiment ce qui a permis d'exporter majoritairement la K-pop. Les noms des groupes, en général, sont très compréhensibles en anglais. Les titres des albums sont en anglais. Tout est en anglais, les refrains sont en anglais, quoi. Du coup, forcément, ça permet une exportation et une diffusion de cette musique et de cet univers qui est beaucoup plus facile. D'ailleurs, les artistes n'hésitent absolument pas à chanter en japonais, en anglais. Enfin, oui, oui. Le marché japonais est très important. Ils font vraiment des albums en japonais pour les japonais, justement. Ouais. Et quel est le premier groupe auquel on peut attribuer la paternité de ce genre musical? Pascal Lafine. Ah non, je ne me mouille pas sur cette question. Parce que je me demandais. Non, je ne me mouillerai pas sur cette question. C'est les groupes de K-pop ou les artistes K-pop en règle générale ont une personnalité propre. Il y a des fanbases qui aiment un seul groupe et pas les autres. Donc c'est toujours très difficile et en plus comme je fais le magazine, je me mouillerai pas sur ce genre de choses. Non mais il y a des piliers, bon, on en a cité quelques-uns, et H.O.T. même Boa Kwon qui à l'époque était alors je crois que c'était à l'époque où Laurie explosait aussi en France, c'était pareil la figure nationale qui s'exportait aussi bien au Japon qu'en Corée hein, sa terre natale. Et puis il y a des artistes solo parce qu'il y a pas que des groupes aussi hein. Souvent, on attribue K-pop à boys band ou girls band. Il y a des artistes solo comme B-Rain qui sont tellement emblématiques dans leur genre, etc., qui peuvent à la fois sortir un album un peu rock et la saison d'après sortir un truc très très hip-hop. C'est des gens qui sont extrêmement respectés et qui peuvent aussi garder le titre qu'on leur a volontairement donné de King of K-pop ou Queen of K-pop pour Yoreli par exemple aussi. Ouais, et puis c'est des générations. C'est par génération, il y a des groupes qui restera. Girls' Generation, ça a été à une époque groupe. C'est incroyable, ouais. On va les entendre un peu plus tard. Je sais qu'historiquement, moi, on a beaucoup parlé de Seo Taiji, qui apparemment. Mais alors, on part justement dans le Crétacé de la K-pop, c'est-à-dire un petit peu avant 2000, qui apparemment serait quelqu'un qui a vraiment posé des bases très, très, très sérieuses. Mais vraiment, comme le dit Pascal, on a des groupes comme Girls' Generation. Et même, il y a eu une espèce de switch, à mon avis, qui a été très marquant pour l'Occident. Je parle bien d'un point de vue occidental. Entre Girls' Generation et 2NE1, c'est vraiment cette espèce de moment charnière où d'un côté, il y avait tous ceux qui étaient passionnés par la culture orientale en règle générale. Les vieux geeks, les vieux otaku qui étaient déjà habitués à Internet, qui étaient dans la trentaine pour découvrir ça. Et en même temps, on a une génération qui avait 10 ans, qui avait Internet dans les mains et qui a découvert quasiment en même temps. C'est cette génération qui, aujourd'hui, a 20 ans, fait de la K-pop le phénomène que c'est. Et c'est vrai que Seo Taiji, justement, un des membres, c'était donc Yang Yun-suk qui a fondé après YG Entertainment, qui aujourd'hui produit les plus gros groupes de K-pop. Dont Blackpink, Big Bang, etc. Tout est connecté. Tout est lié. Voilà. Alors dans une émission sur la K-pop, il est normal d'écouter de la K-pop, et on écoute un des groupes les plus représentatifs de ce genre, BTS, avec Idol, un morceau de l'album Love Yourself, sorti en 2018. Et j'en profite pour vous dire que cette émission est réalisée par Céline Hila. Jeanne Paravert l'a préparée, et aujourd'hui, à la technique, Claire Levasseur. Can't call me artist, can't call me idol. 아니 어떤 다른 뭐라 해도 idol. Care, I'm proud of it. 난 잘 없는 너무 아름네. 나는 항상 나였길 소각을 해. 나는 전혀 신경 쓰지 않네. 나는 역할은 내. 그 이유가 뭐든 간에. Avec Idol, extrait de l'album Love Yourself, sorti en 2018 dans Blockbuster sur France Inter. J'en profite pour vous dire que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 pour nous parler de K-pop ou d'un autre sujet abordé par Blockbuster. Et vous pouvez également communiquer avec nous sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Black, C'était Blackpink avec doudou doudou doudou doudou doudou doudou. Je sais pas combien il y a de T, mais voilà. Un extrait de l'album Square Up sorti en 2018. Alors, on l'a entendu avec BTS, là on écoute Blackpink, c'est une musique. Il faut être vraiment mais insensible au rythme pour ne pas battre la mesure. Faut pas aimer la vie pour pas faut avoir. Faut pas aimer la vie, on est d'accord, Rivalo. Puis en plus, il faut se dire un truc, c'est que là, elles étaient en live, les Blackpink. Elles arrivent, elles sont belles. Elles transpirent pas. Elles sont magnifiquement lookées. Elles dansent comme des déesses. Elles chantent juste. Mais ça, c'est des choses. Moi, il y a des artistes américaines que j'adore, mais je sais pertinemment, j'avais vu un concert de Britney Spears et Katy Perry, en live, c'est périlleux de rester juste, de rester belle, de rester droite dans son costume, et de pas se tromper de pas, quoi. Et c'est valable pour les garçons aussi, hein. Bien sûr. Les BTS sur scène, ça déchire à un point. Ils transpirent, mais c'est tout ce qu'on veut, hein, donc on veut qu'ils nous transpirent. Les BTS, on veut qu'ils transpirent. Mais alors, les Blackpink transpirent aussi, ça leur permet de faire des fouettées de cheveux humidifiés qui sont formidables. C'est très sensuel. Et vous en dites tellement trop. Moi, j'ai vu pour revenir pour revenir à ce que vous disiez sur faut être insensible, c'est juste que je pense qu'on est vraiment passé dans une nouvelle génération au niveau de la consommation musicale et de la production, au sens où dans les années 70-80 on cherchait avant tout des performances musicales, des guitares héros, notamment dans le rock'n'roll, on voulait vraiment des musiciens à la pointe. Aujourd'hui ce qu'on cherche ce sont des producteurs, et là en Corée il n'y a pas photo, d'un point de vue ceux qui sont derrière les consoles, c'est la pointe de la poussée, c'est la cerise sur le gâteau lui-même, sur le pompon, c'est vraiment, on est sur le top du top, et ça se ressent, et c'est pour ça aussi que n'importe quel morceau de K-pop qui arrive, il a été parfaitement programmé, calibré, on ne peut pas lutter contre. Pascal Lafine, à quel moment ce genre musical a atteint une dimension internationale? Oh, moi, je donnerais cette paternité, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, avec les BTS, parce qu'ils ont... Big Hit a vraiment beaucoup investi sur les BTS à l'étranger, même d'ailleurs alors à un moment donné. Alors justement, parlons des BTS, c'est une formation, ils sont 7 garçons. Hein. Oui, tout à fait. C'est énorme. Ben non, il y a beaucoup de groupes avec énormément, les Seventeen, imaginez les Seventeen, ils sont... Non, il y a beaucoup de groupes avec vraiment... Les NCT, c'est 3 groupes. Ah oui, les NCT, 3 c'est groupes une de 20. C'est les mêmes du début à la fin. Alors non, ça évolue. Voilà, ça change. Ah, il faut voir aussi que c'est un avantage aussi pour les maisons de production, parce qu'en fait, plus il y en a... Plus il y a un problème avec un des membres, bah du coup on peut changer le membre et ça se verra pas trop. Enfin, en général. Je dis ça, mais ça peut aussi être un désavantage pour les maisons de production en tout cas. C'est vrai que ouais, il y a des artistes qui partaient, par exemple EXO, qui a été un des très grands groupes emblématiques de SM, qui l'est toujours, mais qui connaît peut-être un ralentissement dans leur aventure, avec notamment l'arrivée de BTS, enfin l'arrivée, l'explosion de BTS. Il y avait un groupe chinois, une formation chinoise d'EXO, EXO M. Et il y avait EXO K, les EXO coréens. Donc c'était une volonté aussi de s'approprier le marché chinois. Donc EXO M chantait en chinois. Et EXO rassemblait les deux formations sur scène de ces deux groupes-là. Et bah, y a un membre qui est parti, puis un autre. Et au final, ils se sont retrouvés à 5-6, là où avant, ils étaient beaucoup plus. C'est vrai que ça se voit un peu moins. Mais il y a aussi cette volonté, comme disait Christelle, de pouvoir remplacer ceux qui sont remplaçables. Quoi. Et c'est quand ils partent tout court. Il suffit de voir les God Seven en ce moment, où on savait qu'ils allaient se séparer, mais ils ont fini par se séparer tous. Là, c'est impossible de reformer un groupe, même avec une partie, parce qu'ils sont partis tous dans des directions différentes, totalement différentes. Il y en a un qui est parti aux États-Unis pour bosser, etc. Donc, le groupe, il est fini. C'est un modèle qui est assez fréquent en Asie, hein, quand on prend notamment du côté japonais. Quand on entend parler de groupes comme AKB48, on s'imagine bien qu'elles vont, bah oui, elles sont 48 littéralement dans le groupe. Et donc, généralement, 5, c'est le minimum vital. Voilà, on va avoir les boys bands à partir de 5, ça commence à faire quelque chose. Donc, 7, au final, c'est vraiment pas si nombreux que ça. Oui, voilà, ils sont. Puis ils ont tous leurs fonctions. le plus jeune, c'est celui qui... l'acné. Voilà, c'est celui qui plaît le plus souvent, etc. Il y a le rappeur du groupe, il y a le chanteur officiel du groupe. Le danseur, le lead, voilà, ils ont le visuel. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont là juste pour être beaux aussi. Hein. On les entend quasiment pas. Et puis, il y en a certains... Je sais pas, ça c'est un truc qui m'est jamais arrivé. J'ai jamais fait partie d'un groupe juste... Toi, tu vas être le beau, mais non, ça m'est jamais arrivé. Alors, c'est parce que vous chantez trop bien. Mais c'est pour ça, en fait. Et comment expliquer la popularité d'un genre absent des radios dans une langue qui reste assez peu pratiquée, particulièrement en France? Je pense que c'est vraiment grâce à YouTube que tout ça a explosé, effectivement, juste avant BTS. On parlait de Psy tout à l'heure. C'est vraiment l'avènement, à peu près 2012-2015. Là, les jeunes, on sait que YouTube, c'est leur truc, c'est leur médium. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que la K-pop a explosé et s'est passé totalement de la diffusion radio, en fait. Donc c'est vraiment un phénomène Internet avant toute chose. Avant toute chose, au niveau de la propagation à l'international, je pense que c'est vraiment ça. Après, je suis désolé de le dire, mais les radios sont souvent pas très ouverts aux nouvelles choses. C'est tout le temps la playlist avec des morceaux qui tournent en boucle. Puis dès qu'un truc commence à frémir, on le rajoute. Ah non, non, mais je pensais à une radio bien précise en plus. De la playlist, jamais. Ça se passe toujours très bien. Il y a pas de problème. Donc même aujourd'hui, la K-pop, tout le monde, beaucoup de personnes savent que ça fonctionne. C'est pas pour autant qu'il y a toutes les radios de jeunes qui diffusent de la K-pop. Alors que pourtant, beaucoup d'entre eux en écoutent. Voilà. Donc, il faut se dire, est-ce qu'il y a des programmateurs ou est-ce que c'est un ordinateur qui choisit les morceaux? Vaste question. Il y a des programmateurs. Je pense qu'il y a même des programmateurs qui doivent essayer de placer de la K-pop, mais des fois, il y a des instances au-dessus qui décident pour eux. Voilà, c'est une direction. C'est compliqué. Oui. C'est très politique tout ça. C'est très politique. Vous savez, la France. C'est de la politique. Exactement. Et les jeunes, les jeunes, ils restent pas, ils changent tout le temps. C'est jamais non. Les mêmes, non. Les jeunes, c'est des boucs émissaires idéaux en période de crise. Pour abonder dans le sens de Christelle, je voudrais dire que outre YouTube, effectivement, il y a une autre chose, c'est qu'il y a eu des plateformes musicales, genre Spotify, par exemple, sur lesquelles les Coréens n'ont pas hésité à aller donc à avoir une écoute internationale, sans passer par les radios, justement. On le disait tout à l'heure très très justement, notamment chez Pascal, que du côté du Japon, eux, ils sont beaucoup plus fermés à la diffusion sur YouTube, sur cette plateforme. Ils ont mis un temps fou à s'y mettre, puisque le Japon, on est encore sur un pays où c'est le CD, le support physique, qui est majoritaire. Et donc, avec ça, ils ont vraiment pris une avance sur toute la production japonaise, en étant dématérialisés, et en parlant à une génération qui est née avec un smartphone entre les mains. Et ça, ça fait vraiment toute la différence, selon moi. Mais d'ailleurs, la K-pop fait partie des rares genres musicaux qui vend encore énormément de CD en termes de support physique. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, j'ai ramené plein d'échantillons. Là, vous ne le voyez pas, mais en fait, Pascal Lafitte est venu avec... il y a une sorte de bibliothèque de CD. Voilà. En fait, la particularité de la K-pop, c'est ça. C'est d'un côté de faire des morceaux qui seront exclusifs sur les plateformes à écouter ou à acheter. Et d'un autre côté, comme les CD, on peut les musiques, les MP3, on peut les télécharger, c'est de faire des CD, en fait, des objets de collection. Donc, où ça peut aller extrêmement loin, par exemple, dans le cas, alors on va prendre le groupe connu BTS, par exemple, pour Map of the Soul, ils avaient fait 4 éditions différentes, et dans chaque édition, il y avait un bloc de posters. Alors, il y avait plein de petits gadgets qui étaient identiques, le CD était le même, mais il y avait à chaque fois un bloc de posters à l'intérieur, avec plein de posters qui racontaient une histoire. Par exemple, pour les Blackpink, j'ai pris des groupes connus, c'est plus facile pour commencer. Ils font à chaque fois un petit coffret. Le CD est presque anecdotique à l'intérieur. Et il y a plein. Alors, il y a un livre, un gros livre. Il y a tout. Hein. Il y a des photos. La fabrication est magique. Voilà, le photobook est rempli d'illustrations qui ont été faites, des shootings qui ont été faits spécialement pour ça, des cartes postales, des petits gadgets cadeaux. Oui, ça s'écoute autant que ça se regarde. Voilà, même des simples petits groupes comme Uptation, que j'adore, qui sont un petit peu moins connus, ont droit à une édition moins belle que celle des Blackpink, mais il y a toujours... ça reste quand même assez travaillé. Là, les Dreamcatcher, leur dernier album qui vient de sortir... justement, dont on avait fait un concert pour le lancement de la plateforme Veritone, eux, ils ont été faire leur coffret. Pascal, ne croyez pas que je n'ai pas vu le placement. Hein. non, j'ai essayé d'être discret. Je l'ai vu le placement de produit. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pas une merveille, ce coffret, c'est incroyable. Si. Imaginez Mylène Farmer qui fait pour son dernier album un coffret comme ça. Voilà. Si vous êtes allergique à la K-pop, ce que je conçois, je ne le comprends pas, mais je le conçois, voici une pause qui sera peut-être la bienvenue, ou pas. On écoute Julien Doré qui chante Kiki. De mon cœur tu tombes, dis-moi si tu sais de tenir à ton ombre, de tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde. Dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle qu'il te faut susurrer pour te faire entendre sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Qu'il arrive, toi au moins tu sais, tout ça tient qu'à un fil qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes, on était fatigué. C'était Kiki de Julien Doré. En route pour Blockbuster sur France Inter avec Frédéric Sigrist. Aujourd'hui dans Blockbuster, on parle de K-pop et nous sommes toujours avec Mathieu Pinon, Christelle Pécou, Pascal Laffine et Marie Palot. C'était Girls' Generation, on a fait un petit retour, un comeback, voilà, un peu vintage avec Run Devil Run, enfin, c'était sur l'album Run Devil Run et c'était G. Et alors j'ai fait le test, jouer à Mario Kart en écoutant cette chanson, c'est formidable. Je vous assure, là, vous pouvez pas faire autrement qu'être au premier, vous envoyez des carapaces à tout le monde, vraiment je conseille. Justement, quels albums à faire découvrir à quelqu'un qui voudrait découvrir la K-pop? Parce que peut-être que là, en écoutant cette émission, les gens vont se dire « Ah, mais finalement, il y a tel ou tel morceau qui me plaît bien. » Donc, par quoi découvrir la K-pop? Moi, je ne saurais même pas vous dire ce qui est encore un album dans la K-pop. Moi, j'aime beaucoup Coup d'État de G-Dragon. C'est un album qui est assez vieux maintenant. Et l'album du comeback aussi de Big Bang, aussi, à la dernière. D'accord. Marie Palou? Moi, ce serait Epic High, qui fait partie donc du K-Hip-Hop, qui est un groupe hyper emblématique et qui a sorti juste des pépites monstrueuses. Et il y a même un des rappeurs de la formation Epic High qui s'appelle M.I.K. qui a sorti son propre groupe un peu folk, pop-rock, qui s'appelle Salt and Pepper. C'est magnifique et on retrouve beaucoup de ses sons dans les génériques de drama. C'est très très beau, donc je conseille ça. Alors moi, je suis très nu. À chaque fois, je change beaucoup. Comme je regarde aussi beaucoup de dramas, donc je découvre souvent beaucoup de musique grâce à des dramas. Par exemple, alors qu'est-ce que c'est qu'un drama? Parce que on en parle. Il faut préciser. Les dramas, ce sont des séries télé coréennes. C'est très cadré. Il y en a de tout genre. Alors moi, en général, c'est les dramas romantiques que j'aime bien. Donc du coup j'en regarde énormément. D'ailleurs je suis un grand fan de BO. C'est comme ça que je découvre à chaque fois certains groupes, puisqu'on retrouve beaucoup de groupes. Par exemple la série True Beauty, pour ceux que je conseille, qui est vraiment la série du moment en drama, on retrouve beaucoup de on groupes connus. On en trouve connus. Pas mal sur Netflix notamment. Alors Netflix est devenu le plus gros producteur de drama dans le monde, c'est ce qui est assez étonnant. Mais en France, il y a des plateformes comme Viki aussi qui en diffuse, ou Drama Passion. Donc on a vraiment quand même un choix assez important. Et c'est des séries très cadrées. Souvent, c'est 16 épisodes. Voilà, et qui se passe. Voilà. Et donc, j'ai perdu mon fil. J'étais en train de dire, je découvre en fait énormément de morceaux grâce au drama. Grâce au drama. Voilà, par exemple, il y a un morceau que j'adore qui s'appelle Go des Seventeen, que j'ai découvert dans une série que je regardais qui s'appelait Record of Youth. Et du coup, ça tourne en boucle. En ce moment, le morceau que j'écoute non-stop, c'est Steve Aoki et Monsta X, qui est un morceau électro qui donne envie de bouger, envie de danser. Voilà. Donc, effectivement, on l'entend en fond. Ah, d'accord. On a trouvé vraiment énormément de morceaux comme ça. Voilà. Il y a Énergétique aussi, qui est génial. Ah, pour quelqu'un qui savait pas trop. Ouais, il sait bien, quand même. Énergétique des One Hour. Énergétique des One Hour, c'est vachement bien aussi. Voilà. Donc, alors moi, je découvre aussi beaucoup la K-pop grâce aux filles avec lesquelles je suis dans le mag, parce que j'ai énormément de rédactrices qui sont quand même jeunes et me font découvrir beaucoup de groupes, de morceaux. Elles sont souvent plus sur les morceaux un peu de jeunes groupes qui débutent, etc. Donc, je connais beaucoup grâce à ça. Et elles sont beaucoup moins portées BTS, etc. Parce que pour elles, c'est mainstream, tout le monde connaît déjà, ça n'a aucun intérêt. Vrai, voilà. Et ben n'empêche que moi, justement, je conseillerais Map of the Soul 7, qui est le dernier album en date de BTS, ou du moins à ma connaissance, à moins qu'ils en aient sorti un récemment, et qui est, à mon avis, la meilleure porte d'entrée pour un auditeur occidental qui n'a jamais entendu de K-pop, qui veut savoir ce que c'est. On est sur quelque chose qui est quand même très très accessible. Pour un Français qui a été biberonné au hip-hop américain, donc c'est une très très bonne porte d'entrée. À défaut d'être la plus représentative, c'est une très bonne introduction. Parfait. Et alors moi, mon titre préféré, c'est My Group, et la version de Steve Aoki, justement, du BTS, qui est parfaite pour faire des burpees et des pompes. Je vous le conseille. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'au bout d'un moment, quand les groupes ont fait un carton comme ça, ils récupèrent une sorte d'autonomie, ou est-ce que c'est forcément une séparation? Est-ce qu'il y a des vieux groupes, mais en termes d'âge, de K-pop, ou est-ce que les gens qui les composent font tous des carrières solo ailleurs, au cinéma, Super Junior, ils sont toujours là, ils mourront jamais. Ouais, il y a Super Junior, il y a Girls' Generation. C'est compliqué de vieillir dans la K-pop, mais il y a quand même beaucoup de groupes qui y arrivent. Et évidemment, il faut avoir l'indépendance et l'indépendance financière. Effectivement, tout à l'heure, Pascal disait que beaucoup se reconvertissaient dans l'acting, acteurs de cinéma ou plutôt drama en général. On peut aussi faire une carrière d'animateur à la télévision, qui est vraiment un vrai métier post-K-pop. Et puis sinon, tout simplement aussi se marier. Voilà, il y en a qui se rangent aussi un petit peu après cette vie-là. Mais sinon, oui, c'est parce qu'on peut pas faire possible. Les deux en même temps, c'est pas possible. Il y en a beaucoup. C'est un peu compliqué des fois. Voilà. Mais non, sinon, c'est possible d'avoir une vie après. Je pense quand même que c'est plus facile pour les garçons que pour les filles. Malgré le problème du service militaire. Ouais. Oui, parce qu'il y a ce problème du service militaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les singularités du service militaire coréen? Alors, il dure quasiment 2 ans. Il est obligatoire pour les garçons. Et pour les groupes de K-pop ou les jeunes acteurs, c'est très problématique parce que ça peut couper effectivement une lancée d'un grand groupe. Et là, par exemple, BTS, on arrive un peu à la fin d'une ère. Alors, je vais me faire assassiner par les fans. Donc je vais pas dire ça non plus, mais en tout cas, il commence à y avoir la nécessité du service militaire pour leurs membres. Donc petit à petit, ils vont partir comme ça au service militaire. Il y a eu ça notamment pour Shiny, récemment, et là ils viennent de faire un gros comeback parce que ça y est, il y a trois des membres qui reviennent revenir du service militaire. Ouais. Sinon, ça donne des best-of avec Super M où on prend des gens de chaque groupe. Sans dispo, du coup. Un groupe de ouf avec des gens connus. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et alors là, on est en train d'entendre en bande son le duo de Blackpink avec Lady Gaga sur Sour Candy. Et en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'artistes américains qui font des duos avec des grands groupes de K-pop. Et en fait, je suis arrivé à un point où je me suis demandé si c'était pas plutôt les groupes de K-pop qui rendaient service aux artistes. Clairement, clairement. Que le contraire, parce que y a Sia, on a eu Nicki Minaj, Selena Gomez, là on entend Lady Gaga. Est-ce que désormais, la K-pop est devenue un tel phénomène incontournable qu'on ne peut pas faire sans? Bah, la K-pop continue de faire vendre autant à l'international, mais elle permet aussi à des artistes qui sont déjà très bien installés en Occident de s'exporter en Asie. Parce que aujourd'hui, vous allez en Chine, en Corée ou au Japon, ça consomme beaucoup d'artistes locaux et peut-être moins des artistes internationaux. Vous regardez les charts, vous n'avez pas forcément les mêmes qu'aux États-Unis. Donc, disons que c'est d'ailleurs un truc quelque chose un peu qui se retrouve aussi dans le cinéma. Hein. Totalement. Des blockbusters qui cartonnent un peu partout font des fois des scores ridicules en bas, que ce soit en Chine ou au Japon. Là où un Parasite va venir totalement donner un coup de pied dans la fourmilière. Quoi. Donc, il faut toucher les jeunes aussi. Ouais. Je vois plein de jeunes qui n'écoutent que de la K-pop aujourd'hui. Oui. Je regarde, moi, depuis que je m'y suis mis, j'écoute beaucoup de K-pop et moins de musique américaine. Ça a été radical, en fait. Vraiment plus de... Je dirais que j'en écoute vraiment beaucoup moins maintenant. Mais effectivement, je pense que si les jeunes sont tous comme ça, effectivement, je comprends qu'il n'y ait plus... que les artistes soient obligés aussi de... C'est à la fois pour toucher le marché d'assurer le futur. Et le marché des moins de 20 ans. Oui, il faut assurer le futur, hein, c'est... On n'en a pas fini avec la K-pop, mais pour l'instant, on va écouter General Electric avec Party Like a Human. C'était General Electric dans Blockbuster sur France Inter. Paraglide, 떠나자 out of paradise. Come back head to a better life. Gotta move, watch your money move soon. Make the crowd go wild in a small room. Let me see you put it on like a costume. 어디까지 번져갈지 몰라. We love to move it, keep it going, don't stop. Vous écoutez Jumping de Super M, sorti en 2019. Alors ça aussi, ça déchire. Hein. Alors ça, c'est un groupe qui s'est reformé avec plein d'artistes qui venaient d'autres groupes. En fait, oui, c'est ça. Parce que comme il y avait pas mal d'artistes qui partaient, entre autres, pour le service militaire, donc effectivement, c'était l'occasion de créer un groupe. Alors au départ, ça n'a pas été super bien pris au tout début. Ils ont eu un peu de mal à démarrer parce que beaucoup de personnes craignaient que si on fait un super groupe avec que des super artistes connus, comme la Dream Team du basket, voilà, est-ce que, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont retourner dans leurs groupes respectifs. Voilà, il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur de ça, et donc, mais après, petit à petit, ça a pris, et maintenant, c'est devenu un groupe ultra populaire. Alors, le succès de la K-pop, ça s'inscrit dans une politique de soft power appelée l'Hallyu. Je prononce bien ? La Hallyu. Hallyu, voilà. Et est-ce que vous pouvez définir ce que c'est ? Alors, c'est une vague de soft power. Donc, c'est une vague composée de plusieurs côtés de la culture coréenne, donc la gastronomie, le cinéma, les dramas, donc la musique, la K-pop, mais aussi la beauté coréenne, le lifestyle, les objets technologiques, etc. Et donc, c'est vraiment un plan de conquête culturelle, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça passe énormément par les centres culturels coréens. On en a un à Paris d'ailleurs. C'est fabuleux. Hein. Et il y en a 180 dans le monde. Et apparemment, l'année dernière, ils ont lancé un plan pour qu'il y en ait 210, donc un peu plus. Par exemple, justement, Lee Min-ho en Corée, c'était lui qui était l'emblème pour représenter la culture coréenne, pour pousser les gens à venir. Il y a les BTS aussi. Oui, les BTS aussi. Donc, ils ont eu à chaque fois les plus grandes stars pour représenter justement la Hallyu. Et le but, c'est de servir l'économie coréenne, ou est-ce que c'est vraiment pour avoir une forme de rayonnement juste culturel ? Alors, c'est les deux, mon capitaine. Ouais, j'aurais dit que pendant très longtemps, la Corée souffrait des cultures chinoises, américaines et japonaises. Et c'est un moyen aussi de se détacher de ces cultures qui bouffaient le pays. Et donc, ça a leur permis de renverser les choses, puisque du coup, c'est eux maintenant qui commencent à s'étaler dans ces trois pays. Et donc, du coup, effectivement, c'est aussi normal qu'ils investissent dessus, parce que ça fonctionne. Vous imaginez si le gouvernement français se disait un jour, « Oh, la culture française, c'est important, c'est pas si mal. Hein. Si on investissait réellement dessus pour la développer dans le monde. » C'est une idée qui peut paraître bête, hein. Oui, mais ça peut être utile de temps en temps. Voilà, exactement. Et puis c'est pas comme si on n'avait pas de culture en France. Donc, c'est un peu la même idée. Sauf que maintenant, ils ont créé une vraie culture avec un vrai développement. Par exemple, vous prenez pour comment ça s'appelle, la K-pop. Ils ont carrément créé une avenue, la K-Star Road, où il y a des sortes d'emblèmes qui sont là pour pouvoir représenter les groupes les plus connus de Miss A au BTS, etc. Et sur toute la longueur de l'avenue, on peut voir les petites statues dédiées à chacun des artistes. Et il y a aussi notamment le succès du cinéma coréen qui a été auréolé avec des Oscars, Parasite, il y a Le Dernier Train pour Busan, il y a eu Mademoiselle de Park Chan-wook, Oldboy, tout le monde Oldboy, a forcément vu Oldboy, voilà. Aussi. Donc en fait, est-ce que ce cinéma-là aussi est aidé par le gouvernement de Corée du Sud ? Oui, bien sûr. En plus, dans leur propre pays, ils ont une politique pour effectivement lancer plus les films coréens que les films étrangers. Donc les plus grosses entrées en général du cinéma coréen, dans les cinémas coréens, ce sont des films coréens. Et les records d'entrées pour les films dans les 20 dernières années, ce sont encore... je crois 3 ou 4 films coréens dans le top 10, quoi. Donc c'est incroyable. Donc plus que l'Avengers. Le cinéma coréen est de toute façon privilégié en termes d'exposition que l'importation. Tout à fait. Ouais. C'est un peu le cas pour le cinéma français aussi. Oui. Ouais. L'exception culturelle coréenne, on pourrait dire. Après, les dramas aussi jouent beaucoup parce que les dramas, comme c'est très propre, il y a très peu de cul dedans. Même dans les dramas chinois, il y a plus de cul que dans les dramas coréens. Ça vous donne un ordre d'idée. C'est très propre, c'est très... Ça, c'est le niveau au-dessus de danse du boule. J'essaie d'en prendre le langage voilà, vernaculaire. Oui, pardon, désolé. Désolé, c'est français. Oui, donc, je disais... et du coup, ça peut s'exporter dans beaucoup de pays. Par exemple, dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, on trouve énormément de séries dramas. C'est traduit dans énormément de pays dans le monde. En Amérique du Sud aussi, c'est très présent. Parce que justement, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez nous. Par exemple, vous prenez rien que pour les adolescents, sortie de Scam France, des séries pour adolescents en France. Il n'y en a pas énormément. Voilà. Et Mathieu Pinon, comment réagit le Japon justement face à cet essor absolument incroyable sur la planète? Le Japon réagit enfin, le Japon réagit tard. Déjà par rapport à la Hallyu, on a le Japon qui, lui, de son côté, avait le Cool Japan comme programme également de soft power qu'il voulait exporter. Ils se sont bien rendu compte que d'un point de vue musical, ils se sont fait piller, quoi. Là, la Corée a 3 tours de stade d'avance sur eux, donc... ils se sont dit qu'il fallait réagir, et puis ils se sont bien rendu compte qu'aussi que la K-pop commençait à marcher sur leur propre terrain, puisque donc on l'a bien dit, les groupes coréens sont prêts à aller apprendre de faire des chansons en japonais pour pouvoir aller prendre des parts de marché sur le marché japonais qui est le deuxième au monde après les États-Unis. Et donc maintenant ils font la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir des groupes comme Eyes One, qui est un groupe qui mélange des idols qui viennent de HKT48 avec des trainees coréennes. Donc on fait un mix 50% coréen, 50% japonais, on secoue et on fait ça à la japonaise. Et ils ont également fait des programmes d'audition comme les coréens, c'est-à-dire que les coréens, eux, les émissions de façon The Voice, Star Academy qu'on peut avoir chez nous, c'est pas diffusé uniquement à la télévision, c'est aussi diffusé sur Internet. Ça, c'est un grand pas. Le Japon s'est mis à Internet. On le disait tout à l'heure, les groupes comme les Johnny's, qui sont des icônes au Japon, les SMAP, les Arashi, on pouvait pas trouver leurs clips sur Internet. Maintenant, ça y est, ça se libère enfin. Ils sont enfin sur Spotify. Et donc, avec ce programme d'audition, ils ont sorti 2 groupes. Un qui s'appelle Joan, qui est un groupe avec que des garçons, et un groupe féminin qui s'appelle Niziyu. Niziyu, ce sont des japonaises qui sont formées à la coréenne et qui sont produites par JYP, qui est le boss du game en Corée. Mmh. Donc ça y est, ils commencent vraiment à prendre en considération cette méthode qui est complètement différente de la leur. Mais ça a pris un temps fou, et ça, j'ai envie de dire que c'est un défaut qui est assez récurrent chez les Japonais. Quand il faut commencer à évoluer, faut vraiment bien, bien, bien pousser l'armoire avant qu'elle commence un petit peu à glisser. Par contre, une fois qu'on a commencé à la lancer, c'est parti. Mais il aura fallu un temps fou avant de prendre ça en considération, et ça commence tout juste. Mais Niziyu faisait partie de Kohaku à la fin de l'année, qui est le plus grand spectacle télévisuel de divertissement au Japon. Mais Marie, tout à l'heure, parlait de EXO. Oui. En parlant de EXO-M, la partie de EXO qui était consacrée à la Chine, il faut voir que la Chine et d'autres pays commencent à récupérer un peu ces formations coréennes, parce qu'en fait, ils ont GOT7, il y avait aussi Jackson Wang, oui. Il y avait Chris Wu de EXO-M. En fait, les Chinois ont récupéré ces idoles qui ont été créées en Corée. En Corée. Et en fait, là, maintenant, ils les propulsent et ils s'en servent comme élément de soft power pour eux aussi. Et ça en devient des méga stars. Là, la Chine, c'est assez incroyable, hein, ce qui est en train de se passer. Ouais. Ah, c'est fou. C'est fou. Donc, c'est-à-dire qu'on peut peut-être imaginer tout d'un coup une C-pop. Mais la C-pop existe. C'était quelque chose d'un peu mélancolique, mais elle est portée par des artistes extrêmement populaires. Je pensais aux championnats du monde de League of Legends en 2018 qui ont eu lieu du coup en Chine. La cérémonie d'ouverture a été assurée notamment par un artiste chinois. C'était la foule en délire. Genre vraiment, c'était du jamais vu. Quelqu'un qui ne connaît pas la pop chinoise se dit, je sais pas qui c'est, mais ça a l'air fou. C'était vraiment, c'est le Johnny Hallyday de là-bas, quoi. Bon, alors Johnny RIP, hein, il était un peu vieux, mais c'était vraiment l'aura, en tout cas, la de la violence. Non, mais là, c'était la star nationale. Bon, il est pas aussi vieux, mais en tout cas, il est plus... Ça resterait, il est mort. Bon, moi j'adore Johnny, mais bon. Mais en tout cas, ouais, c'était là, c'est pop, c'est très très populaire, et puis ils sont 1 milliard, donc bon. Il me semble d'ailleurs que j'ai cru lire que Big Hit avait en projet de faire un groupe américain, justement basé sur le même principe que les groupes coréens. Pour moi, c'est un truc à suivre qui peut être intéressant. Et pour revenir à votre question par rapport au Japon et à la Corée sur la perception, l'intégration de la K-pop version japonaise, je ne saurais trop conseiller aux auditeurs qui sont un petit peu curieux d'aller jeter un œil sur Netflix. Il y a un documentaire sur Arashi, le plus grand boys band japonais qui vient de se mettre en pause, qui s'appelle Bon Voyage, où donc on peut voir comment a fonctionné le plus grand boys band japonais. Et d'un autre côté, il y a un documentaire sur Blackpink, qui est donc le plus grand girls band coréen actuel. Et c'est très amusant de comparer les deux, sachant qu'il y en a un qui vient d'arrêter son activité, l'autre qui est en train d'exploser, de voir qu'il y a beaucoup de similarités, mais en même temps, il y a beaucoup de différences entre les deux perceptions de la même chose. Eh ben écoutez, je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur, pour avoir parlé aussi brillamment de la K-pop. Et J'invite tous les auditeurs qui ne connaîtraient pas à s'y essayer, vraiment, que vous soyez fan de Brassens, de David Bowie ou de Queen, c'est mon cas également, mais on peut aimer ces artistes et aimer la K-pop, et surtout, je partage ça avec avec mes enfants, et c'est vraiment super, super, super. De grands artistes, de grands clips, de grands shows, donc n'hésitez pas à vous intéresser. Merci Marie Palot, Pascal Laffine, Christelle Pécou, Mathieu Pinon. Je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur la page Facebook de l'émission ou également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. We'd get a day off every fortnight and then practice again for another 13 days. So like 14 hours a day just training. France Inter.